Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurone qui, je le rappelle, est consacrée au rock progressif. Et vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et mon nom est Jimmy Farley et je vais vous accompagner pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, je vous propose Banco del Mutuo Soccorso, Nuova Era, Yesterdays de Roumanie, Dominic Sanderson d'Angleterre, Mostly Autumn d'Angleterre, Anastasia Winter des États-Unis, et on va conclure avec trois groupes italiens des années 70, et j'ai nommé Premiata, Forneria Marconi, Les Orme et Il Rovescio della Medaglia. Alors on débute cette semaine avec un premier volet dédié entièrement au prog italien. Puis je vous annonce que ce n'est pas n'importe quels artistes. On y va avec deux groupes qui ont été très actifs dans les années 70 et 80 et qui nous reviennent en 2025 avec chacun un nouvel album. Et on débute ça avec Banco del Mutuo Soccorso qui viennent de lancer Storie Invisibili. Ça, c'est un 22e album depuis leur début en 1972. Et un fait à noter, parmi les membres du groupe actuel, il y a seulement le claviériste Vittorio Nocenzi qui faisait partie de la mouture originale. Ça sera suivi du groupe Nuova Era, qui vient de sortir un album concept, et je traduis librement par 20 000 lieues sous les mers. Et ça s'avère être leur sixième album depuis leur début en 1988. L'album contient deux longues pièces, soit de 36 minutes et 16 minutes. Alors, c'est la chanson Nautilus de 16 minutes qu'on va entendre. Mais au début, on y va avec deux extraits du nouvel album de Banco del Mutuo Soccorso. Perché devo andare via da dove sono nato gridando? Thank you. sì, io lo antico brillano mille stelle. Soffia un brivido di vento in alto sopra i castagni. Guarda quanta luce stai atterrando. Dio, quanto t'ho aspettato seduto qui. Se ci guardate, Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour ce deuxième bloc de l'émission d'aujourd'hui, je vous propose deux pièces. La première, ça nous vient de la Roumanie avec le groupe Yesterdays qui ont lancé en 2025 un album enregistré en spectacle en 2024. Et ça traite du Petit Prince de Saint-Exupéry. Ensuite, nous irons du côté de l'Angleterre avec un extrait du nouvel album de Dominic Sanderson. Ça, c'est un jeune guitariste qui fait dans le prog éclectique. Et l'album bien, s'intitule Blazing Revelation. Ça se trouve être son deuxième. Ça fait suite à l'album Impermanence qui est paru en 2023 et un album à l'époque salué beaucoup par les amateurs. Mais auparavant, voici Yesterdays de Roumanie. We'll be right back. Only words, only water, cool rain. My borrowed life. tongue now glares irreverently as a forlorn switch sparks a fragrant chance of humanity, but now. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On est rendu au troisième segment de l'émission d'aujourd'hui et on va débuter ça avec un extrait du nouvel album du groupe britannique Mostly Autumn. L'album s'intitule Seawater. C'est leur 15e album depuis leur début en 1999. On va poursuivre avec un nouveau groupe américain du nom de Anastasia Winter. Ça, c'est un groupe que je viens de découvrir. Ils viennent de lancer un premier album intitulé Under a Closed Star, duquel j'ai extrait la longue pièce Blue Runner. Ça, c'est la pièce qui se trouve à conclure l'album. Mais on débute ça avec Mostly Autumn. Thank you. heaven's arms. There's a mountain up ahead, and I see in that precious sky you and me together. Faithfully unraveling now. by the juniper road. We'll divine the future when the summer moon is high. Death no more reclusive. Twenty stories high, and every step will say what's true. A thousand words for sun, but only one will come to you. Try. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Eh bien, on est déjà rendu à la fin de l'émission, c'est-à-dire il nous reste un bloc avant de conclure. Et j'aimerais, comme à peu près chaque année, faire un petit retour en arrière dans les années 70 en vous proposant trois albums que j'ai beaucoup écoutés à l'époque et que je réécoute année après année. Ce sont trois albums qui ont, à mon avis, très bien vieilli. C'est trois classiques. Et bien, le premier, ça va être l'album Peron Amico de Premiata Forneria Marconi. Ce sera suivi de Filona et Sorona du groupe Le Orme. Et on va conclure avec l'album Contaminazione de Il Rovescio de la Medaglia. Alors bon retour en 1973. Do do do do do do do.

vento fra i due pianeti. Ciascuno ignora che l'altro c'è. L'enorme abisso separa i due mondi. Ognuno pensa se come sa. Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un pot-pourri de trois excellents groupes de rock progressif italien des années 70. Alors ça termine la portion musicale de l'émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les jeudis de 11h à 13h, ça c'est en direct sur les ondes de C'est fou, de FM 89.1 à Trois-Rivières. De plus, l'émission est disponible en différé sur Internet à partir du site web SoundCloud. Je rappelle aussi que la feuille de route de l'émission est disponible sur notre page Facebook. Et en plus, sachez que je diffuse une infolettre hebdomadaire que vous pouvez obtenir en m'en faisant la demande en privé. Ça, c'est toujours sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors, j'espère que vous avez aimé la programmation d'aujourd'hui. Et c'est Jimmy Farley qui vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous.